guy from my Yeah, okay. You need to get done at work. Come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done if you come over. We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work. It's me up in work. You see me do my da-da-da-da-da-da. So me better work. When you walk out, la-la-la-la-la. I'm in the car from my da-da-da-da-da. Elle était samedi soir au Stade de France pour un concert exceptionnel, un concert Skyrock. Rihanna, on va l'écouter à l'instant avec Work. D'ailleurs, une petite pensée à ceux qui vont Work. Aujourd'hui, en ce lundi, on est le 1er août. Bonne matinée, bon réveil tout le monde à l'écoute de Skyrock. Il est 6h tout pile. On va écouter le son de Ken Jones dans un instant avec Don't Mine. Le morning, rap R&B non-stop, c'est parti hein, comme tout cet été. Entre 6h et 9h sur Skyrock, comme toute cette semaine. Juste avant, on va faire un petit point sur l'actu de sport, la météo, avec Jules qui est là tout de suite. Salut Jules. Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille. Bon, et avant de démarrer l'actu, on va faire un point sur le temps. La météo, ça dit quoi aujourd'hui? Et ben, la météo, c'est nickel. Hein. On a du soleil partout, sauf en Bretagne où la grisaille résiste. Cet après-midi, pas de grand changement. La pluie viendra s'installer sur la Bretagne et la basse Normandie. Sur le reste du pays, le soleil restera présent. Côté température, ce matin, elles vont de 16 à 27 degrés, 17 à Caen, 19 à Lille et Brest, 21 à Lyon et Toulouse et 25 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 16 à 29 degrés, 16 à Lorient, 23 à Bordeaux, 24 à Paris et Mulhouse et 27 à Nice. Au niveau de la pollution aujourd'hui, c'est pas mal, des indices entre 3 et 5, 3 à Le Mans, 4 à Reims et 5 à Cannes. Le son de Ken Jones avec Don't Mind, c'est juste après l'actu maintenant, il est 6h. Catholiques, musulmans, athées, tous ont prié ensemble. Hier, ils se sont tous réunis dans les églises en hommage au père Hamel, assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray la semaine dernière. À Rouen, une messe a réuni 2000 catholiques et plus d'une centaine de musulmans dans la célèbre cathédrale. Paix et unité étaient les mots d'ordre. L'enquête continue. Le cousin et un ancien compagnon de voyage écroué. Selon le parquet de Paris, le cousin d'Abdelmalik Petitjean, l'un des deux terroristes, avait parfaitement connaissance d'un projet d'action violente. Il a donc été mis en examen hier pour association de malfaiteurs. Fêteur terroriste criminel. Autre sujet principal, la messagerie sécurisée Telegram où se sont parlé les deux terroristes, là où le premier contact direct a eu lieu entre les deux tueurs, 4 jours seulement avant l'attaque. 2,5 millions de fidèles à la messe du pape à Cracovie en Pologne, c'était la messe finale des journées mondiales de la jeunesse. Les organisateurs craignaient une participation réduite suite aux séries d'attentats terroristes en Europe. La ville était placée sous haute sécurité, 20 000 policiers et militaires ont été déployés. Deux fusillades sans lien, l'une avec l'autre à Austin, au Texas. Elles ont éclaté les deux en même temps dans la nuit de samedi à dimanche aux États-Unis. La première au milieu des passants, elle a fait un mort et 4 blessés. Les forces de l'ordre sont toujours à la recherche du tireur. La seconde a eu lieu quelques minutes plus tard, pas loin d'un parking souterrain, sans faire le moindre blessé. Le tireur a été désarmé et retenu par des passants. Une femme portée disparue retrouvée grâce à Pokémon Go. Ce n'était pas un Pokémon qui se trouvait dans le parc en Ardèche, mais une disparue. Vendredi, 6 chasseurs de Pokémon sont tombés sur une dame ivre, un petit peu désorientée. Son mari avait signalé sa disparition 10 heures auparavant. On termine avec du sport. En tennis, 30e titre en Masters 1000 pour Novak Djokovic. Le Serbe a remporté le tournoi de Toronto hier en battant le japonais Kei Nishikori 6-3, 7-5. Et puis en foot, on parle des transferts. Là, pour gagner des titres, c'est ce qu'a déclaré le français Kevin Gamero, l'ancien attaquant du FC Séville, présenté hier sous ses nouvelles couleurs de l'Atlético Madrid, transféré pour 32 millions d'euros. Il évoluera donc aux côtés de Antoine Griezmann. Merci Jules, tu reviens tout à l'heure vers 6h30. A tout à l'heure. Et là il est 6h02, allez bon lundi tout le monde en ce 1er août, le Morning Rap R&B c'est parti, avec plein de sons à s'écouter et puis les cadeaux aussi avec toute cette semaine, la roulette qui va tourner, la roulette avec l'enceinte Monster Backflow à gagner et la compile, la triple compile Planète Rap 2016, on va faire tourner, vous allez pouvoir vous inscrire tout à l'heure et puis on débute l'émission là maintenant. Allez, Ken Jones, voici Don't Mind enchaîné à Sopra, juste après le nouveau Soprano qui s'appelle En Feu. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. Hola. Hola, na. No.

I will still be patient with you. And I want you to know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. Major Lazer pour vous accompagner au réveil ce matin. Major Lazer avec Justin Bieber. On va écouter Cold Water sur Skyrock. Il est 6h31, suite du son dans un instant avec le S-Crew, un des groupes de Nekfeu. Avec Nekfeu, on va écouter J'aurais pas dû. Mais juste avant, on fait un point sur l'actu. On est le 1er août là aujourd'hui, on est le premier jour de la semaine, lundi, et premier jour du mois d'août aujourd'hui. On fait un point sur l'actu avec Jules qui est là, de retour. Salut Jules. Salut, ça va? Ça va, ouais, très bien, et toi? Ouais. Bon, super. On commence par la météo avant de développer l'actu, on t'écoute. Ouais, bah ce matin, du côté du ciel, c'est pas mal, hein. On a du soleil sur toute la France, sauf sur la Bretagne où la grisaille résiste. Elle va gagner du terrain cet après-midi. Elle viendra s'installer sur la Bretagne et la basse Normandie avec de la pluie. Et puis pour le reste du pays, le soleil restera en place. Les températures ce matin, elles vont de 16 à 27 degrés, 17 à Rennes, 19 à Lille et Rouen, 21 à Saint-Étienne et Pau et 25 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 16 à 29 degrés, 16 à Nantes, 23 à Biarritz, 24 en région parisienne et à Strasbourg, 25 à Orange et 27 à Cannes. Au niveau de la pollution, aujourd'hui, c'est pas mal, des indices entre 3 et 5, 3 à Istres, 4 à Bordeaux et 5 à Montpellier. Nekfeu avec le S-Crew, j'aurais pas dû, c'est juste après l'actu maintenant, 6h32. Des fidèles de toute confession réunis en France, catholiques, musulmans, athées, ils ont tous prié ensemble. Hier, ils se sont réunis en hommage au père Hamel, assassiné à Saint-Étienne du Rouvray la semaine dernière. Même mot d'ordre un peu partout, éviter les amalgames et les divisions avec des actes qui n'ont rien à voir avec la foi. L'enquête continue, le cousin d'un des terroristes mis en examen, selon le parquet de Paris, le cousin d'Abdelmalik Petitjean avait parfaitement connaissance d'un projet d'action violente. Il a donc été mis en examen hier pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Un demandeur d'asile syrien a été relâché, il avait été interpellé jeudi soir. Les enquêteurs cherchaient à savoir pourquoi la photocopie de son passeport avait été retrouvée chez l'un des deux tueurs. 20 000 policiers et militaires mobilisés à Cracovie en Pologne hier. La ville était placée sous haute sécurité suite aux séries d'attentats terroristes en Europe. La messe finale des Journées mondiales de la jeunesse a eu lieu et réunit 2,5 millions de fidèles devant le pape sous haute sécurité. Un mort et quatre blessés dans une fusillade aux États-Unis. Elle a commencé après 2h15 du matin dans un quartier de bars et de boîtes de nuit à Austin, au Texas. Une femme est décédée sur les lieux. Trois autres ont été transportés à l'hôpital. Le tireur est toujours en fuite. Environ 80% des vols assurés. La grève Air France continue aujourd'hui. La mobilisation devrait être moins forte que hier. La compagnie aérienne a annoncé 32% de taux de grévistes contre 41% hier. 95% des vols long courrier, long

can't stop the sur le rap. Got the club going up on the Tuesday. Got your girl in the cut and she choosing. Club going up on the Tuesday. Got your girl in the cut and she choosing. Squad going up. Nobody flipping now. Nah. I just did three in a row. Them shows is back to back to back now. Put the world on a sound. You know party in the weekend. Ain't got no mother time. The party on the weekend. Always working OT. Overtime and not all time. It's crazy back home. It kills me that I'm not the club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Working Monday night. On the corner flipping, made at least 3,000 on the boulevard. I've been working graveyard shifts every other weekend. I've been flipping in the house, making jugs on the highway. I don't think that I should dance. I'm just gonna have another drink. The loudest of the loud. You know my gas stink. My P.O. think I'm in the house. Don't give a damn about what she think. Got the club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Got the club going up. I love Makonnen. À l'instant sur Skyrock avec Tuesday. Il est 7h tout pile. On est lundi aujourd'hui, lundi 1er août. On va faire un point sur l'actu, le sport, la météo là maintenant. Et du son juste après à s'écouter avec notamment Calvin Harris et Rihanna pour This Is What You Came For. Un point sur le temps avec Jules. Salut Jules. Salut Mehdi, salut tout le monde. Allez, on commence par la météo. Ouais, ben un mois d'août qui commence bien avec du soleil sur toute la France, sauf sur le nord-ouest où les nuages résistent. Ils vont se déplacer cet après-midi. Ils vont s'installer de la Bretagne au nord-pas-de-Calais, accompagnés de quelques averses. Pour le reste du pays, le soleil restera présent. Les températures ce matin, elles vont de 16 à 27 degrés, 17 à La Rochelle, 19 à Lens et Metz, 21 à Lyon et Agen et 25 à Nîmes. Cet après-midi, elles vont de 16 à 29 degrés, 16 à Bayonne, 23 à Castres, 24 à Paris et Sochaux et 27 à Marseille. Au niveau de la pollution, aujourd'hui, c'est pas mal, des indices entre 3 et 5, 3 à Tours, 4 à Bordeaux et 5 à Bastia. Rihanna avec Calvin Harris, This Is What You Came For arrive juste après l'actu, les 7h01. catholiques, musulmans, athées, ils ont tous prié ensemble. Hier, ils se sont réunis en hommage au père Hamel, assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray la semaine dernière. Même but pour chacun, montrer que ces événements ne divisent pas. L'enquête se poursuit de son côté, le cousin d'un des terroristes écroué. Selon le parquet de Paris, le cousin d'Abdelmalik Petitjean avait parfaitement connaissance d'un projet d'action violente. Hier, il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. La fin des journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en Pologne hier. 2,5 millions de fidèles réunis à la messe finale du pape. Les organisateurs craignaient une participation réduite suite aux séries d'attentats terroristes en Europe. La ville était placée sous haute sécurité. 20 000 policiers et militaires ont été déployés. La prochaine édition aura lieu en 2019 au Panama. En Méditerranée, 5 migrants retrouvés noyés. C'est la marine italienne qui l'a annoncé. De nouvelles opérations ont porté secours à plus de 6 500 migrants depuis jeudi. Selon le dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés établi avant ces opérations de secours, plus de 89 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. 32% de grévistes aujourd'hui, c'est moins qu'hier avec 41%. La grève à Air France continue pour son sixième jour avec une mobilisation en baisse. 95% des vols long courrier devraient être assurés. 80% des vols intérieurs et des moyens courriers. La direction a estimé que la grève avait touché déjà 150 000 clients avec plus de 900 vols annulés depuis mercredi dernier. Et puis on termine avec du sport. Rapporter une médaille pour la France, c'est ce que veut Gaël Monfils à quelques jours des Jeux Olympiques de Rio. Il n'a rien pu faire contre Djokovic en demi-finale de l'Open du Canada, mais a réalisé une très belle tournée nord-américaine. De quoi croire en une chance de médaille française. Et puis en football, une semaine après le sacre des Bleuets, les U19 féminines françaises ont aussi remporté le championnat d'Europe en Slovaquie. Elles ont battu l'Espagne hier soir, 2-1. On est trop fort, même chez les filles. Mais ouais. Carton total. Qu'est-ce que tu veux partout. Merci Jules, tu reviens tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Vers 7h30, il est 7h03. Allez, c'est lundi, 1er août là aujourd'hui. Le Morning Rap R&B pour vous accompagner là toute cette semaine. Entre 6h et 9h sur Skyrock avec la roulette aussi. L'enceinte Monster Backflow t'a gagné. C'est l'enceinte flottante qu'on peut emmener sous la douche, dans la mer, dans la piscine. Enceinte qui vaut 200€ avec la compile Planète Rap 2016 aussi. On va en reparler tout à l'heure. Et pour le son, on écoute Soprano dans un instant avec Le Diable ne s'habille plus en Prada. Et juste avant, celle qui était samedi au Stade de France, événement Skyrock, Rihanna. Voici This Is What You Came For. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Baby, This is what you came for. Lightning strikes every time she moves.

avec Je m'en fous. On fait un point sur l'actu de ce lundi. On est le 1er août là aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue. Salut Jules. Salut à tous. Et on commence, avant de développer les titres de l'actu, par la météo d'aujourd'hui. Ouais, bah ce matin c'est cool, on a du soleil partout, sauf en Bretagne où la grisaille résiste. Elle va se décaler cet après-midi et s'installer de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, accompagnée de quelques averses pour le reste de la France. Le soleil restera en place. Les températures ce matin, elles vont de 16 à 27 degrés, 18 à Nantes, 19 à Lille et Nancy, 21 à Clermont et Toulouse et 25 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 16 à 29 degrés, 16 à Brest, 23 à Bordeaux, 24 à Paris et Mulhouse et 27 à Perpignan. Au niveau de la pollution aujourd'hui, c'est pas mal, des indices entre 3 et 5, 3 à Caen, 4 à 3 et 5 à Ajaccio. 7h31, il y a Drake qui arrive avec One Dance juste après l'actu maintenant. En Méditerranée, 5 migrants retrouvés morts, c'est la marine italienne qui l'a annoncé. De nouvelles opérations ont porté secours à plus de 6500 migrants depuis jeudi. Selon le dernier bilan du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés établi avant ces opérations de secours, plus de 89 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. La traversée a coûté la vie à plus de 3 000 migrants depuis le début de l'année, soit deux fois plus que l'année dernière à la même période. Des fidèles de toute confession réunis en France, hier ils se sont réunis en hommage au père Hamel, assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray la semaine dernière. Paix et unité étaient les mots d'ordre. L'enquête continue, le cousin d'un des terroristes écroué. Selon le parquet de Paris, le cousin d'Abdelmalik Petitjean avait parfaitement connaissance d'un projet d'action violente. Hier, il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Un demandeur d'asile syrien a été lui relâché. Il avait été interpellé jeudi soir. Il n'est pas juste d'identifier l'islam avec la violence. Les mots du pape François hier, interrogé dans l'avion qui le ramenait de Cracovie. C'était la fin des journées mondiales de la jeunesse. 2,5 millions de fidèles se sont réunis à la messe finale. La ville était placée sous haute sécurité suite aux attentats terroristes en Europe. 20 000 policiers et militaires ont été déployés. La prochaine édition aura lieu en 2019 au Panama. 150 000 clients touchés par la grève d'Air France, c'est ce qu'annonce la compagnie avec plus de 900 vols annulés depuis mercredi. Aujourd'hui, mobilisation en baisse avec 32% de grévistes contre 41% hier. 95% des vols long courriers devraient être assurés et 80% des vols intérieurs et des moyens courriers. On termine avec du sport. Novak Djokovic remporte son 30e titre en Masters 1000. Le Serbe a remporté le tournoi de Toronto hier en battant le japonais Nishikori 6-3 à 7-5. Et puis en football, Lyon s'impose 3-2 contre Benfica en match amical. Nabil Fekir a inscrit le premier but, Cornet a doublé la mise et Lacazette a inscrit le troisième. De quoi être prêt pour le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain ce samedi. Merci à toi Jules, retour de l'actu tout à l'heure vers 8h, à tout à l'heure. Il est 7h33, c'est lundi, allez courage si vous allez bosser aujourd'hui, je sais que c'est pas facile, lundi hein, toujours difficile hein, le début de semaine après un bon week-end, en tout cas je l'espère, j'espère que c'est bien passé et les vacances peut-être aussi pour certains, avec du son pour tout le monde. Drake, One Dance, à écouter maintenant sur Skyrock. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take

Ouais, man, ça va. Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. Et pour tous les fans de SCH à l'écoute de Skyrock, sachez qu'on prépare une grande tournée avec SCH. Ce sera au mois de novembre prochain. Il y a les infos hein, sur le net, skyrock.fm. Il y aura des places à gagner. Et là, on vient d'écouter avec Allô Maman. Il est 8h01. La roulette qui va tourner. Je vous dis les cadeaux qui a gagné là dans un instant. Mais juste avant, on fait un point sur l'actu avec Julien. Tout de suite, hein. C'est bien ça ton prénom? Jules. Jules, pardon. T'inquiète. Et on commence par le temps, la météo. On t'écoute, Jules. Ouais, un début du mois d'août sympa côté météo. Du soleil sur la majorité du pays avec quand même de la grisaille en Bretagne. Cet après-midi, elle va se décaler sur tout le nord-ouest jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, accompagnée de quelques averses. Pour le reste, le soleil restera et sera toujours là. Les températures ce matin, elles vont de 16 à 27 degrés, 18 à Lorient, 19 à Roubaix et Strasbourg, 21 à Lyon et Pau et 25 à Montpellier. Cet après-midi, elles vont de 16 à 29 degrés, 16 à Rennes, 23 à Bordeaux, 24 à Paris et Nancy et 27 à Marseille. Au niveau de la pollution, aujourd'hui, c'est pas mal. Des indices entre 3 et 5, 3 à Créteil, 4 à Valence et 5 à Cannes. On écoute dans un instant là sur Skyrock le son de Mike Posner et tout que Pellini Ibiza et juste avant on fait un point sur l'actu, les 8h02. Musulmans, catholiques réunis en France, hier ils se sont mobilisés pour rendre hommage au père Hamel assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray la semaine dernière. L'enquête continue elle aussi, le cousin d'un des terroristes savait tout. Selon le parquet de Paris, le cousin d'Abdelmalik Petitjean avait parfaitement connaissance du projet d'attentat. Hier il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les enquêteurs pensent que les deux tueurs ne se connaissaient pas et se sont rencontrés sur la messagerie cryptée Telegram 4 jours avant l'attentat. Il n'est pas juste d'identifier l'islam avec la violence. Les mots du pape François hier interrogé dans l'avion qui le ramenait de Cracovie. Il a refusé tout amalgame entre islam et terroriste. C'était la fin des journées mondiales de la jeunesse. 2,5 millions de fidèles se sont réunis à la messe finale. La prochaine édition aura lieu en 2019 au Panama. Encore des morts en Méditerranée. 5 migrants ont perdu la vie près des côtes italiennes. De nouvelles opérations ont porté secours à plus de 6500 migrants depuis jeudi. Plus de 89 000 d'entre eux sont arrivés sur les côtes de l'Italie depuis le début de l'année. Plus de 3000 migrants sont morts depuis janvier, soit deux fois plus que l'année dernière à la même période. Une femme portée disparue retrouvée grâce à Pokémon Go. Ce n'était pas un Pokémon rare qu'ont trouvé les chasseurs, mais une personne disparue. Vendredi, 6 personnes qui jouaient à l'application sont tombées sur une dame ivre dans un parc en Ardèche. Elle avait été signalée disparue 10 heures avant par son mari. On termine avec du sport. À 4 jours de l'ouverture des JO de Rio, beaucoup de participants rêvent de médailles. C'est le cas du tennisman français Gaël Monfils qui veut rapporter une médaille après sa belle tournée nord-américaine. Et puis en foot, une semaine après le sacre des Bleuets, les U19 féminines françaises ont aussi remporté le championnat d'Europe en Slovaquie. Elles ont battu l'Espagne hier soir de 2-1. Merci Jules, sans le lien donc. Hein. Ouais. Voilà, c'est Jules. À tout à l'heure, 8h30 pour un dernier point sur l'actu. On est lundi là aujourd'hui, lundi 1er août, on va faire tourner la roulette ensemble avant 9h. Préparez-vous avec la compile, la triple compile Planète Rap 2016 à gagner et l'enceinte aussi Monster Backfloat. Enceinte qui vaut 200€, qui déchire et qu'on vous file encore toute cette semaine dans la roulette. Du son à s'écouter avec Black M qui arrive. Je suis chez moi et Mike Posner juste avant et tout que Pellini Ibiza. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. So

on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Turn green. Give me what I asked for. I got a passport. Mr. International, I hit the airport. If you knew the kind of work that I transport, that Rihanna do me dirt to the crash course. I like the cleanest, greenest, leanest, Serena Venus. Flow of genius, smoking Phoenix. You never seen this. I have a dream this. That 200 on the dash got me fiending. So I'm trying to ride out, slide out. Rally strikes, send me 500, bye bye. Have a good time. Right now, right now. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Let's go. Cause I'm ready to go. Take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Pour cet été, Pitbull en nouveauté Skyrock avec Florida. On vient d'écouter Green Light. Il est 8h30 tout pile. Il y a la roulette qui va tourner avec la compile Planet Rap 2016 à gagner. Et l'enceinte Monster Backfloat aussi, l'enceinte flottante d'une valeur de 200 euros. Vous envoyez roulette là par SMS au 7-20-20 dès maintenant. On fait un petit tirage au sort et si vous êtes tiré au sort, vous débarquez en direct là avant 9h du mat pour faire tourner la roulette. 7-20-20 par message donc dès maintenant pour l'enceinte et la compile Planet Rap. Juste avant, on fait un point sur l'actu, le sport, la météo, tout ça. Avec Jules qui est là tout de suite. Salut Jules. Salut Mehdi, salut à tous. Et on commence par le temps d'aujourd'hui, de ce lundi 1er août. Ouais, ça va ce matin. On a du soleil sur pratiquement tout le pays, seulement de la grisaille sur la Bretagne. Cet après-midi, des nuages sur le nord-ouest jusqu'au nord-Pas-de-Calais avec quelques averses. Pour le reste, ce sera du soleil. Côté température, ce matin, elles vont de 16 à 27 degrés, 18 au Havre, 19 à Lille et Mulhouse, 21 à Grenoble et Limoges et 25 à Toulon. Cet après-midi, elles vont de 16 à 29 degrés, 16 à Nantes, 23 à Bordeaux, 24 à Paris et Reims et 27 à Marseille. Au niveau de la pollution, aujourd'hui, c'est pas mal, des indices entre 3 et 5, 3 à Poitiers, 4 à Avignon et 5 à Ajaccio. Le son de Alonso, ça arrive juste après l'actu là maintenant, il est 8h32. Toutes les confessions ont été mobilisées hier en France, réunies pour rendre hommage au père Hamel assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray la semaine dernière. De son côté, l'enquête continue. Le cousin d'un des terroristes écroué. Selon le parquet de Paris, il avait parfaitement connaissance du projet d'attentat. Le terroriste en aurait parlé sur Telegram. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Telegram, la messagerie où les deux tueurs se seraient rencontrés. Leurs téléphones sont en cours d'analyse. C'était la fin des journées mondiales de la jeunesse. 2,5 millions de fidèles se sont réunis à la messe finale. La ville était placée sous haute sécurité suite aux récents attentats en Europe. 20 000 policiers et militaires étaient mobilisés. La prochaine édition aura lieu en 2019 au Panama. 5 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. De nouvelles opérations ont porté secours à plus de 6 500 migrants depuis jeudi. Plus de 89 000 sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début de l'année. 150 000 clients touchés par la grève d'Air France. 900 vols annulés depuis mercredi. Aujourd'hui, une mobilisation en baisse avec 32% de grévistes contre 41%. Hier, 95% des vols long courrier devraient être assurés et 80% des vols intérieurs et moyens courriers.

Allez, quand tu veux, tu cries stop, Marine, on t'écoute. C'est parti. La roulette avec l'ancien compte Monster Backfloat, c'est l'enceinte flottante d'une valeur de 200€ avec la compile Planète Rap 2016 et la totale pour toi Marine, la compile et l'enceinte. Merci, ça gère, je suis contente. Eh bah de rien, tu vois, tu démarres bien la journée en écoutant Skyrock, tu joues avec nous, tu repars avec les cadeaux. Merci beaucoup Mehdi. Eh bah de rien, on te fait un gros bisou du côté de Rouen et puis bah bonne journée, bonnes vacances aussi. Bah merci, bon courage et puis bah bonne journée, moi je vous écoute. Eh bah reste à l'écoute, il y a plein de sons pour t'accompagner. On te fait un bisou, ciao Marine, à plus. Ça marche, à bientôt, bisous. Et la roulette de retour tout à l'heure sur Skyrock entre 9h et midi, notamment avec Maxime, pour repartir avec votre enceinte Monster Backfloat et la compile Planète Rap. D'ailleurs on se fait un extrait de la compile là dans un instant. Avant 9h du mat, Designer arrive pour Panda. Showroomprivé.com présente. Cette petite robe frivole, ça y est, je deviens folle. Oh, ces ballerines en peau, j'en suis déjà marteau. Cette sélection de fringues pourrait bien me rendre dingue. Sur Showroom Privé, je m'apprête. Et oui, pas folle la guette. Et en ce moment, retrouvez les Crazy Days, les grandes marques jusqu'à moins 80% sur showroomprivé.com. Showroomprivé.com, il est urgent de se faire plaisir. Voir conditions sur le site jusqu'à épuisement des stocks. Géant. Dernier jour pour profiter des démarques exceptionnelles chez Géant. Rendez-vous vite dans votre Géant. Jusqu'à 45% de remise sur tous les barbecues et plancha. Par exemple, le barbecue gaz série 2 Soligaz Compact est à 99€ au lieu de 155€. Soit 35% d'économie dans la limite des stocks disponibles. Les prix bas, c'est Géant. T'es prêt à prendre la route des vacances, Martin ? Je suis au top ! Regarde Flash, nouvelle plaquette de frein, nouveau filtre d'habitacle et nouveau filtre à air ! Wow ! Et j'ai tout commandé sur Oscaro.com ! On va te déchirer sur la côte, Martin ! Comme Flash McQueen et Martin, prenez la route des vacances avec Oscaro. Et en ce moment, Oscaro.com vous offre des centaines de cadeaux Disney Pixar Cars, des home cinéma, des lecteurs Blu-ray, des DVD, des appareils photo. Oh, les vacances commencent bien ! Oscaro.com, reprenez votre voiture en main. On retrouve Patrick en direct du Tour à Amiens. Oui. Alors, une étape pleine de surprises aujourd'hui. Oui, ici chez Ibis Styles, on offre des sacs cadeaux pleins de surprises aux enfants. Alors, des sacs cadeaux avec à l'intérieur, bah attendez, montre-moi ton sac, mon petit. Non, mais montre-moi ton sac. Mais où tu vas ? Cet été, à partir de seulement 35€ la nuit chez Ibis Budget, vous aussi, faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. Disneyland Paris. L'événement magique à Disneyland Paris, c'est le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Un truc de ouf. Avec plein de personnages Disney. Par exemple, tu as Mickey qui touche une boule à neige et pouf, Olaf apparaît. Repouf, la robe d'Elsa se transforme comme par magie. Et repouf, on a tous les bouches ouvertes et on applaudit. Découvrez à Disneyland Paris le nouveau spectacle Mickey et le magicien. Et pour une visite jusqu'au 28 septembre, profitez des deux parcs Disney pour le prix d'un. Conditions et réservations dans certaines billetteries sur disneylandparis.com. Le Morning Rap R&B. R&B. 6h-9h sur Skyrock. Ça prend, ça prend, parano, parano. À tel point que tu doutes sur le frère, Wallano, Wallano. Travers, les époques, Highlander, Highlander, Booba, pour elle, les mecs sont tous les mêmes, la fille, elle est classe, mais lui il aime les jolis garçons, jolis gars. Ne mets pas de glaçons dans mon verre, ça prend de la place pour. Ce genre de style, j'arrive en paix, je repars.

C'était Designer sur Skyrock avec Panda. Il est quasiment 9h du mat sur Skyrock, même 9h. Hein, tout pile en ce lundi. On est le 1er août là aujourd'hui. Maxime est là. Salut Maxime. Salut Mehdi. Ça va? Mais ouais, en pleine forme. Bon bah super. Le morning rap R&B se termine à l'instant avec ce son de Designer. Je vais revenir tout à l'heure moi à midi pour vos messages, vos dédicaces. Bah juste après toi Maxime. Bah ouais, 9h midi, du son rap R&B et puis les dédicaces à retrouver juste après. À tout à l'heure tout le monde. À tout à l'heure Mehdi. Il est 9h05 sur Skyrock, rap R&B non-stop. Il y a plein de cadeaux à gratter dans l'émission. Avant midi, je vous offre votre compil Planète Rap 2016. Et l'enceinte qui flotte, qui fonctionne partout, à la douche, à la plage, dans la mer. C'est la Monster Backlot de valeur 150 à 200 euros. Et le son de Skyrock, c'est parti maintenant. On attaque l'émission avec Justin Timberlake, qui a repris sa place de numéro 1 des ventes en France. Et Can't Stop the Feeling. Et Vita Jules juste après, ça les dérange sur Skyrock. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. Yeah. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Stop.